Voici votre bulletin régional. À Istengus, le 26 février à 13h, jeu interclub du Club Amitié à l'église Saint-Louis de France. Au centre culturel de Whedon, le 27 février, dès 20h, on pourra voir les Siffleurs de Nuit, groupe qui propose une musique issue de la tradition bretonne. Soirée de la relève du Club Amitié à la salle Notre-Dame-de-la-Garde de Istengus, le 27 février. Vente de surplus d'inventaire au profit de l'église Saint-Louis-de-France d'Istengus, le 27 février de 9 à 16 heures, au sous-sol du presbytère. Vente de sacs. Remplissez un sac pour 5$. Décorations, chandeliers, vaisselle, articles de cuisine, verres, tasses, chaudrons, tissus et plus. Laiterie. Deuxième article gratuit. Prix réduit sur gros articles. Informations. André Nadeau, 819-832-2315 ou Marie-Aubin Roy, 819-832-2589. Le 28 février, c'est la journée Nathalie Champigny à Istengus. De 20 à 30 élèves de la polyvalente Louis-Saint-Laurent de Istengus auront la chance de partir, en mars 2016, en voyage humanitaire au Costa Rica pour une dizaine de jours. Ce voyage est une initiative du projet Cité sans frontières de la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Afin d'aider à financer le dit voyage, le Club Lyon d'Istengus organise une soirée vins et fromages le 28 février à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. Prix, $50 par personne. Souper, spaghetti et encore de pâtisserie au profit de l'escadron 670 du Haut-Saint-François le 28 février dès 17h à la salle Guy Veilleux à Courchire. Réservation, Mélanie Cormier, 819-416-0492. Retour des ateliers Rigolo à l'hôtel de ville de Newport le 28 février. Ces ateliers se tiendront les derniers samedis du mois jusqu'en juin. De 11h à midi, atelier de motricité globale pour les tout-petits. De 13 à 14h, club du rire ouvert à tous pour expérimenter le yoga du rire. Information, lapaixparlerire@gmail.com. C'est le 28 février que se tiendra le Festival d'hiver de la Patrie. Au programme, tournoi de hockey bottine, glissade, feu de camp, bar hot dog, chocolat chaud. Pour information ou inscription, Maxime Blais, 819-888-2779.